qu'est-ce que je vois dans les yeux de mon chat? Quand il me regarde assis sur le sofa, la misère du monde, le regard d'un enfant ou une supplication au visage de gamelle. Wow, qu'est-ce que je vois dans les yeux de mon chat? Quand son regard phosphorique inonde son corps, la vie de Paris la nuit, le mystère de Geisha, où il a juste un peu le feu au cul, mon chat. Wow, dans les yeux de mon chat, qu'est-ce que je vois? Quand il se martyrisait par la petite Katia, un match bonne Belgique ou Cabral en concert, ou bien elle voudrait peut-être qu'elle retourne chez sa mère. Wow,